America, the French, them a pass. Anywhere we go, we spit the fire with class siren. Cause when we day in the party, you don't know, say the vibes them granted. A straight reggae music from Paris, we a boss. So push up your lighter, push it higher. If you step on the cars, we say one love, one heart. Off the terminal song, give me a round of applause. Bonjour auditeurs de Radio Guémozo, j'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui. J'ai le grand plaisir d'avoir avec moi au téléphone Théo du groupe Generation qui vient de sortir son tout nouvel album Higher, dont tu viens auditeur d'écouter l'un des titres qui le compose, en tout cas un petit bout, mais t'inquiète pas, je t'en passerai un plus long plus tard. Pass Me The Mic, album que tu peux retrouver sur les ondes de Radio Guémozo car il est officiellement en rotation chez nous. Bonjour Théo, comment vas-tu ? Hello, eh ben, ça va très très bien, merci, et toi ? Eh ben, ça va super, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui par téléphone pour répondre à mes quelques questions. Ici, nous sommes dans les Vosges, est-ce que tu connais un petit peu ? Alors oui, on est pas mal venu chez vous, on a fait une grande tournée en 2017. Ah. On a fait 97 dates, donc on est venu, je crois, 3 fois chez vous. Ah oui, quand même, ok, d'accord. Voilà. Et toi, où est-ce que tu te trouves là exactement à ce moment précis ? Alors à ce moment précis, je me trouve en banlieue de Genève. D'accord, voilà. Ok, t'as de la neige ? Au bord du lac Léman, voilà, et normalement je suis à Paris. D'accord, ok. Alors, pour ce sacrilège qui ne connaîtrait encore que trop peu Generation, est-ce que tu peux planter le décor et vous présenter en quelques mots, car tu n'es pas seul, vous êtes deux ? Exactement, on est un duo de potes de collège qui ont décidé de faire du reggae. Ouais. Et donc ça fait 10 ans qu'on a monté ce projet, et depuis 6 ans, on tourne avec un groupe qu'on a formé et on a signé avec un label indépendant qui nous fait tourner. On a fait plus de 400 dates. Wow. Et on a sorti notre album, notre dernier album, au bout de 3 albums. Donc là, ça fait 3 albums sortis. Et voilà, il s'appelle Ailleurs. Il est sorti le 29 octobre dernier. Et oui, déjà un mois. Est-ce que ça se passe bien là ? Est-ce que le public répond présent pour cet album ? Alors ouais, c'est super. C'est super. On a beaucoup de retours super négatifs. Sur part positif, pardon. C'est un lapsus révélateur, ça. Non, franchement, il y a que du positif. Et voilà, on a recommencé la tournée, donc on voit que les gens chantent et tout. Oui. Et donc c'est super cool, quoi. C'est super cool. Super. Alors au début, vous étiez quand même en train de poursuivre vos études. À quel moment c'est devenu une évidence que c'était dans la musique que votre avenir allait se tourner ? Eh bien, personnellement, je suis parti au Cambodge pour faire un stage de communication et je suis revenu chanteur de reggae. Oh, bah, donc, c'est génial. Voilà, il y a vraiment eu un avant et après. C'était assez une évidence puisqu'il y avait déjà un public qui était né grâce à des vidéos qu'on avait sorties, notamment une avec Naman. Et oui. Et voilà, il commençait à y avoir de plus en plus de monde qui écoutait. Et puis voilà, il y avait une vraie demande. Donc on s'est dit qu'il fallait répondre à cette demande. Super. Est-ce que ça a été facile de réaliser ce succès ? Eh bien, écoute, on a été assez bien entourés. On a un label qui est super, qui s'appelle Ovastand. Oui. Et qui nous suit donc depuis 2015. Et qui a réussi à nous trouver énormément de dates. On a fait plein de tournées partout. Et voilà, on a été toujours dans les meilleures conditions pour faire... qu'on voulait faire de bons albums. On a toujours été très bien entouré. Donc voilà, c'est très important et c'est vraiment grâce à cet entourage qu'on a pu faire tout ce qu'on peut faire, quoi. Oui, j'imagine. Alors comme on le disait tout à l'heure, en tout cas juste avant, vous venez de sortir votre tout nouvel album Ailleurs, se traduisant par Plus haut. Pourquoi ce titre et qu'est-ce que ça représente pour vous ? Eh bien, on voulait un titre qui évoque un mouvement. Et parce qu'on voulait justement, on a fait un album assez expérimental en fait, juste avant, qui s'appelait Stuck in the Middle, oui. Dans lequel on a beaucoup travaillé avec plein de gens différents, on a beaucoup partagé notre projet, et ce qui fait que y a une empreinte qui est un peu différente de ce qu'on fait habituellement, qui est très expérimentale. Okay. Et donc là, on voulait revenir à des bases, aux bases du premier album notamment. Où on était totalement producteur, totalement voilà, on écrivait tout, on faisait toute la musique, alors que là on avait partagé la musique avec pas mal de monde et on avait un directeur musical, etc. C'était quelque chose qui était vraiment très expérimental. Donc là pour Ailleurs, on avait envie de revenir aux bases et puis de s'élever, d'aller plus haut, d'aller mieux dans notre direction, de pouvoir acquérir plus de compétences, etc. Et d'aller juste plus haut. Et on voit avec les thèmes, il y a toujours cette notion d'aller plus haut, de prendre de la hauteur sur les événements, d'aller plus haut, de se renforcer. Dans Pass Me the Mic, par exemple, c'est plutôt un truc de compète. Donc c'est aller plus haut dans son niveau d'exigence, etc. Mm-hmm. Donc voilà, il y a toujours ce mouvement vers le haut. Se dépasser, quoi. Exactement. Génial. Voilà. Il sort aussi sous forme de vinyle, cet album ? J'ai cru voir. Alors, ouais, il sort à partir du 10 décembre. Ouais. Il y a des précommandes qui sont disponibles jusqu'au 5 décembre. Et donc voilà, bah oui, c'est vrai que le vinyle, c'est très apprécié. Malheureusement, il y a une grosse crise en ce moment du vinyle. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des délais vraiment de 6 à 10 mois pour produire des vinyles. Ah oui, pourquoi ? Donc on risque d'être en rupture de stock assez rapidement. Ok. Et de plus avoir de stock pendant longtemps. Donc il D'accord. faut, voilà. Mais comment ça se fait cette histoire de vinyle ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il y a des usines qui ont brûlé, il y a un savoir-faire qui se perd et il y a des matières premières qui sont extrêmement chères, qui ne peuvent plus être exploitées. Voilà. D'accord. Donc là, voilà, nous les petits indépendants, on ne peut plus sortir de vinyle parce que toutes les majors ont trusté la production de vinyle. Oh, c'est pas bien ça. Voilà, c'était le petit coup de gueule du matin. T'as bien raison. J'ai d'ailleurs vu que quand on commande un album ou un vinyle, on peut se le faire dédicacer. Exactement, en ce moment, jusqu'au 5 décembre, toutes les commandes de vinyle et même de tout notre back catalogue, tous les CD sont dédicacés par nos soins et on prend le soin de mettre les petits prénoms et un petit mot d'amour qui les accompagne. Oh, c'est mignon, ça. Un petit peu de positif dans ce monde de brut. Exactement, ouais. Cet album, vous l'avez réalisé pendant le confinement, je crois. Comment ça s'est passé, tout ça ? Eh bien, écoute, ça s'est passé de manière assez simple. C'est-à-dire que, confiné, on s'est recentré sur l'essentiel. Et c'est vrai que l'essentiel, pour nous, c'est vraiment la musique. Donc on a commencé à produire des instrumentales, comme ce qu'on fait généralement. D'accord. Et puis au bout d'un moment, on en a eu beaucoup. On en a eu vraiment beaucoup et on s'est dit pourquoi pas faire un album avec ça. Et puis c'était une période qui était quand même super inspirante, notamment avec les espèces de crises sociales qu'on a eues. Donc voilà, on avait plein de questions, on avait trouvé pas mal de réponses aussi. Donc voilà, il fallait qu'on mette ça sur écrit, sur papier. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Hein. C'est ce qu'on a fait. On a trouvé plein de thèmes actuels, et puis on les a regroupés dans un projet qui s'appelle Ailleurs. Ouais, super. Alors déjà, c'est déjà l'instru. Ensuite, les mots sur tous ces sons. C'est comme ça que vous travaillez ? Ouais. Ok. Ouais, c'est comme ça qu'on travaille. On est producteur de musique, donc aussi on adore avoir les deux phases. Quoi. On fait généralement 6 mois de production musicale et puis ensuite 6 mois d'écriture. Et c'est deux jobs complètement différents, mais ce qui est bien avec notre métier de chanteur et compositeur, c'est que plein de choses à faire tout le temps. Quoi. Est-ce que vous arrivez toujours à vous entendre sur ces mots, ces compos, ou est-ce qu'il y a des petits litiges par moment où voilà, il faut trouver des compromis ? Eh ben c'est ça, hein, c'est l'histoire de... Voilà, c'est l'histoire du duo, quoi. Il y a toujours des compromis à faire. Mais c'est vrai que comme on se connaît depuis très très longtemps, on est des amis de collège. Et oui. Eh bien, on a l'avantage de se ressembler beaucoup sur pas mal de choses, et notamment sur la musique. On a des goûts qui sont assez similaires. Donc, et voilà. Et après au bout d'un moment, c'est juste il y a aussi beaucoup de questions techniques. Et les questions techniques, elles se discutent qu'assez peu. Donc, voilà. D'accord, ok. Finalement, c'est des petits compromis qu'on fait. Une belle symbiose, quoi, on peut dire, entre vous. Exactement, on a vraiment beaucoup de chance. Super. Alors, il y a des invités sur cet album ? Il y a des invités, il y a Tairo. Ouais. Et il y a Melomood. Alors, Tairo, c'est un chanteur parisien de reggae hip-hop, qui est là depuis très très longtemps. Il a fait son premier buzz avec Taxi, il avait joué... Il a fait un son pour la bande son de Taxi. Mmh. Et Melomood, c'est un duo de jumeaux italiens. Ok. Qui chantent en patois jamaïcain et qui sont très inspirants, qu'on connaît depuis des années, quoi. Ah, ça donne envie de découvrir quand tu le dis comme ça. Si tu pouvais choisir, quel son de cet album serait ton favori ? Quel son de cet album serait mon favori ? Eh bien, je dirais Pass Me the Mic. Ok. Je dirais Pass Me the Mic. Ouais, l'énergie est très brute, très c'est énergique. On a essayé des techniques et en même temps il y a quelque chose de dynamique et tout, quelque chose d'assez spontané. Oui. Et donc voilà, Pass Me the Mic. Et quand on l'écoute, on sait tout de suite que c'est vous et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. sans doute. Alors, votre son, c'est un savant mélange de diverses sonorités, bien à vous, du new reggae, comme je l'ai lu. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, vous vouliez être rocker à la base. On avait commencé à être rocker, mais ça marchait pas du tout. Pas trop frustré, du coup? Non, pas du tout, parce qu'on on se rattrape en live, justement. On fait beaucoup de rock en live. Okay. Et on a fait un album, donc Stuck in the Middle, qui était à la frontière entre le reggae et le rock. Donc voilà, il n'y a aucune frustration. On essaye vraiment de régler toutes les frustrations avant de, avant de monter sur scène. Et justement, voilà, pour avancer, je pense qu'il faut régler ces frustrations. C'est vrai. Là, on les a réglées. Super. Alors, quelles sont vos influences musicales? Alors, bah, comme tu l'as dit, on aime beaucoup le rock. Donc, il y a eu beaucoup de Blink 182, Sum 41, etc. Et tous ces groupes de pop, pop punk américain, ils nous ont accompagnés pendant beaucoup de temps. On a évidemment énormément de reggae, toute la scène, la jeune scène reggae, là, des Chronix, Proto J, Kofi, etc. C'est des gens qui sont extrêmement créatifs, qui mélangent des influences américaines, même du patois avec la langue anglaise. Donc c'est un patois qui est plus accessible, qu'on aime beaucoup pratiquer, mmh. Et voilà, qui mélange aussi beaucoup le hip-hop avec le reggae, et qui ont compris que le reggae, il fallait mélanger pour le faire survivre, quoi. Ben oui. Donc voilà, la nouvelle scène reggae jamaïcaine, en tout cas, nous inspire beaucoup. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. La majorité de vos sons, ils sont en anglais? Oui. Pourquoi avoir choisi cette langue? Eh ben, on a toujours été attiré par la musique américaine, mmh. Anglaise, américaine et jamaïcaine, du coup. Et c'est en tout cas le patois jamaïcain, ça, c'est une espèce de musique à elle-même, quoi. Il y a une sonorité extraordinaire, il y a un rythme qui est fou. Et donc je trouve que voilà, j'ai beaucoup de mal à me détacher du jamaïcain, en tout cas. Okay. Et on adore. Juste, c'est voilà, okay. C'est un instrument de musique à lui-même. Okay. Point. Voilà. Alors, vos inspirations, c'est vraiment ce qui se passe, ce sont les faits d'actualité. On en parlait un petit peu pour ce nouvel album. Voilà, ce qui vous a inspiré, c'est un petit peu tout ce qui se passait pendant ce confinement. En général, vous vous inspirez comment pour vos titres? Qu'est-ce qui vous inspire? Eh ben, comme tu l'as dit, ouais, c'est des questions pseudo-philosophiques, hein, parce qu'on va pas se prétendre philosophe. Existentielles. Mais, voilà, c'est des trucs qui sont voilà, qui peuvent être existentiels, comme juste des, ça peut être des cris aussi, ça peut être des choses all to blame par exemple, ça veut dire est-ce que tout le monde est coupable, c'est des espèces de cris qu'on lâche comme ça, okay. Sans forcément essayer de trouver une grande réflexion super intellectualisée derrière. C'est le reggae aussi, c'est un art qui est extrêmement brut. Oui. C'est voilà, les messages doivent être clairs et en tout cas simples, quoi. Donc voilà, dès qu'on a une interrogation, bah, on prend un petit stylo et puis on va essayer de gratter quelques lignes. Et puis voilà, on va aussi faire très attention à la musicalité et oui. Au rythme. Et voilà, quand on arrive à avoir un bon mix des deux, on essaie de le chanter et puis ça, voilà, ça donne chouette. Ce que ça donne. Vous faites partie de ces artistes qui ont toujours un petit calepin dans la poche ou le téléphone portable pour y laisser des notes pas très loin? Histoire bah ouais, malheureusement, j'aimerais bien avoir un calepin, mais c'est vrai que le téléphone, c'est quand même très pratique. Non, ouais, bah voilà, c'est vrai qu'on écrit souvent sur notre téléphone. Il y a des fulgurances, on entend. On est oui. En soirée avec des amis, et puis ouf, alors là, il y a un texte qui vient d'arriver où on a envie de faire un freestyle, et donc on écrit quelque chose de très technique. Ouais, non, c'est vrai que le téléphone est un très très bon outil pour nous autres chanteurs. Eh ben oui, quand on l'utilise à bon escient. Votre voilà. Premier concert, il me semble que c'était au cadre à Bulle, à l'espace jeune, là où vous habitiez à l'époque. Depuis, il y en a oh eu. Ah oui. Ah, t'as vu, hein. Depuis. Très renseigné. Ah ben carrément. Depuis, il y en a eu beaucoup d'autres, des scènes. Le meilleur souvenir d'un concert, ça serait lequel pour toi? Il y a un concert qui a changé, je pense, notre vie et notre carrière. C'est la première partie de Dubbing au Zénith de Paris. D'accord. Et alors ça, c'était sur en 2016, donc c'était vraiment au début. Et on a donc cette espèce d'immense groupe de reggae français qui nous a proposé cette première partie au Zénith de Paris. Et ça, c'était déjà totalement inespéré. Et voilà, c'était un concert magnifique, plein d'émotions. On avait toutes nos familles qui ont enfin compris ce qu'on faisait dans la vie. C'est vrai. Et donc, voilà, Zénith de Paris avec Dubbing, quoi, c'était vraiment magnifique. Génial. Y a une tournée, là, actuellement en cours pour, voilà, pour proposer ce nouvel album. C'est quoi les prochaines dates? Est-ce que tu les connais? Tu les as sous la main? Alors, je les ai totalement sous la main. je les cherche. Alors, malheureusement, je ne suis pas booker. Hein. Mais donc, on a Clermont-Ferrand vendredi qui arrive là. Ok. On a le Phil à Saint-Étienne samedi. Ok. Et ensuite, on a la Belle Électrique à Grenoble jeudi 9. On a le Café Charbon à Nevers. Enfin bref, on passe vraiment un peu partout. On c'est est en pleine génial. Tournée, donc n'hésitez pas à aller checker sur notre site ou évidemment sur Instagram ou Facebook. Oui. On communique beaucoup sur notre tournée parce que évidemment c'est grâce à la tournée qu'on peut vivre. Donc il faut venir en concert. Les concerts sont ouverts. Mais carrément. Et vous êtes les bienvenus. Tout le monde est les bienvenus en tout cas pendant les concerts de Generation. La dernière fois, enfin rien qu'avant-hier, il y avait que des familles, vraiment. Oh génial. Ça allait de 3 ans à 90 ans, donc c'était super. Intergénérationnel. Exactement. Quel succès. J'imagine que le retour sur scène doit être tellement savoureux après tout ce qu'on a traversé. Nous, en tant que public, on a tellement besoin de notre dose de concert maintenant, donc je suppose qu'il y aura du monde. Mais pour vous aussi, en tant qu'artiste, ça doit être incroyable de pouvoir enfin retrouver le public et ces scènes. Totalement, c'est magnifique. C'était un peu spécial cet été parce qu'on était un peu entre les deux. Oui. On savait pas quand, les concerts pouvaient être annulés au dernier moment ou quoi. Et puis les gens étaient assez timides. Tout le monde était assez timide, mais c'est vrai que cette rentrée là d'automne, avec dans les salles où on rencontre vraiment notre public, c'est superbe. C'est vraiment super parce que les gens connaissent les paroles, ils en connaissent le dernier album aussi, tous les refrains. Enfin, c'est extraordinaire de replonger dans notre univers avec les fans. Enfin, c'est génial. Vraiment magique, quoi. Super. Quelle est la force de Generation? Quel mot tu mettrais dessus? Bah, je pense qu'on a, en tout cas, une force en live. C'est sûr que on peaufine et on chiade énormément le live. On essaie de faire un vrai spectacle. D'accord. Visuel et auditif. Donc c'est là où on peut vraiment le plus s'exprimer, quoi. C'est là où on peut être le plus créatif, c'est en live. Et je pense que voilà, on peut faire la différence en live, en tout cas en proposant quelque chose qui est assez très créatif, en tout cas, et qu'on peut voir, j'espère uniquement dans les concerts de Generation. Oui. Et puis en CD, on essaie de proposer un reggae hip-hop qui est assez frais et voilà, j'ai pas envie de me lancer des fleurs, donc. Tu m'as arrêté là, c'est ça. Je m'arrête. Est-ce qu'un jour vous ferez un album justement avec des captures de son live? Eh ben, on aimerait beaucoup. On y réfléchit. Oui. On a notamment l'Olympia le 5 mars 2022 là, qu'on a repoussé 4 fois là. Ouais. Donc on est très très contents et on réfléchit justement à faire une capta live. Génial. Sortir peut-être un DVD ou un CD live, on ne sait pas. Voilà. Ouais, super. On est encore en réflexion. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a envie de privilégier le live maintenant sur support aussi. J'imagine. Alors l'Olympia, bientôt, mais à quand Generation sur les scènes vosgiennes, tu sais? Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, moi, je sais. Moi, c'est le 25 février 2022, donc c'est très, très prochainement, à la Souris Verte, oui. À Épinal. Sublime. Sublime. On a tellement hâte de vous retrouver. On sera là, ça, c'est garanti. Trop bien. Voilà, les grands projets de Generation, est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous réfléchissez sur des choses, là, en ce moment? Eh bien, à part la tournée, là, on n'a oui. pas vraiment grand-chose de prévu. Pour l'instant, en tout cas. C'est déjà bien. Mais la tournée, voilà, la tournée recommence, on a un nouveau concert et plein de choses à retravailler, etc. Enfin, c'est voilà, on aime beaucoup le travail sur scène, donc voilà. Mais à part la tournée, pas grand-chose de prévu, donc venez en tournée. Eh ben venez, oui, venez. On viendra. Et pour qu'on soit le plus nombreux possible. Bah, tout à fait. Le souvenir le plus fou depuis les débuts, ça serait lequel pour toi? Le souvenir le plus fou, oui. Je pense que c'est ce slam qu'on a fait au Trianon. C'était magnifique. C'était magnifique. Un slam, donc c'est quand on saute sur les gens et qu'on se fait porter par la salle. Et donc ça, voilà, c'était notre premier Trianon. On était extrêmement stressés. Première date, grosse date parisienne. Oui. Dans cette magnifique salle qu'est le Trianon. Et on s'est jeté dans la foule. Et c'était un espèce de moment complètement magique. On doit ressortir complètement grisé de cette expérience. Là, en tout cas, oui, ça nous donne beaucoup de force pour continuer. Ouais. Génial. Alors, on parle des quelques scènes. Là, si vous pouviez faire n'importe quelle scène du monde, ça serait laquelle ? N'importe quelle scène du monde, je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire ? Même à ciel ouvert. Burning Man. Ok. Burning Man, sûrement. Ok. Dans le désert, ça serait incroyable. Allez, on s'y informe. Pour les plus grands fans d'entre nous, il existe une playlist que vous avez concoctée sur Spotify que je pourrais mettre en lien avec le podcast de cette interview. Tiens, auditeur, voilà, si tu as envie de plonger dans l'univers de Generation, tu pourrais y retrouver quelques sons bien, bien sympathiques. Ça vous prend souvent de faire des choses comme ça ? De faire des playlists ? Oui. Écoute, on écoute énormément de musique, pourquoi pas faire partager les gens. Mais carrément. Super. Théo, je te lance un dernier défi pour terminer. Je te balance quelques mots et tu m'en fais une phrase à la Generation. Est-ce que t'es OK ? Une phrase à la Generation ? Ouais. Donc c'est des mots en anglais ? Non, c'est des mots en français, mais tu peux les traduire si tu veux. D'accord. OK ? T'essayes et si ça va pas, c'est pas grave. Allez, commence. On commence. Sentiment, arme, billet, encre et famille. Sentiment, arme, oh là là. Et donc, et avec ça, je dois faire une impro, quoi. Tu me fais une petite phrase à la Generation, tu vois, parce que je sais que vous dites des mots qui sont beaux, quoi. Des mots qui sont beaux, allez, on y réfléchit énormément, quoi. On y réfléchit, c'est déjà qu'on galère à écrire, du coup, là, c'est... Bon, je retire. Il faudrait que j'appelle Chico, notre pote qui sait très très bien rapper avec des mots comme ça. Ok, écoute, ce que je fais, c'est qu'on se rappelle un petit peu plus tard, quand vous sortirez un nouvel album, pourquoi pas, ou lors de votre passage dans les Vosges, et puis tu me feras la petite phrase. On fait comme ça ? Dans les Vosges, on va faire un mini couplet, on se refait une petite interview et je note tes mots. Et on fera un petit couplet avec ça. Allez, deal, on fait comme ça. Ça marche. J'avais noté quand même des belles petites phrases que vous aviez prononcées. On fait de la musique pour donner le sourire aux gens et évitons ce qui nous divise et retenons ce qui nous unit. C'est ça, Generation. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça et pour votre positive attitude qui nous fait tellement chaud au cœur. Merci à toi, merci pour tout. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes quelques questions. Qu'est-ce que je te souhaite là pour la suite ? Eh ben, plein de force, plein de courage, okay. Il faut qu'on continue à tourner, il faut qu'on garde la pêche, un mental assez solide avec cette période compliquée. Oui. On sait toujours pas si on pourra finir à tourner et tout, donc voilà. On croise les doigts. Je pense que du courage, c'est bon à souhaiter à tout le monde. Allez, du courage, c'est dit, et on fait comme ça. Merci beaucoup Théo pour tout ce temps que tu m'as accordé pour répondre à mes quelques questions. Merci à toi. Et puis, je laisse l'auditeur avec All to Blame, un feat avec Tyro que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Génial. Allez, à bientôt. Sublime. Merci beaucoup. Things say humanity not gonna learn. Them argue upon the herbs while Alpha Continent a burn. And if a child is starving, them say them no concern. Them killing and killing and covering them back of the fucking economy come first. Stealing millions to the civilians, never alleviate them thirst. Time for defend our honor, time for defend our corner. The buckle is hard, but back in the fun, a part of the plan in my armor. See them reload and shoot the target and put with swords from the market. Then why we end up in a basket? Are we all to blame? The system if we put it easy. Play a met nos up sur le marché. Laisse pas ton nous paralyser. Are we all to blame? Ça fait longtemps que je suis plus cool, me souhaite pas bonne année. L'air du temps sans la foudre, le monde est prêt à cramer. Le nez dans la proue, plus rien nous fait planer. On ne croit plus en nous, toutes les frères ont fané. On se regarde sur les réseaux et on croit qu'on se connaît. Tous à genoux devant ceux qui font la monnaie. Les hommes sont des chiens, on est tous affamés. L'espoir s'est fait canner. On vit une drôle d'époque. Une drôle d'époque. On vit une drôle d'époque. Drôle d'époque. Le système est fait pour diviser. Prêt à mettre nos âmes sur le marché. Et laisse pas ton nous paralyser. Souls from the market. Hey, hey. Then when we end up in a basket, are we all? Are we all to blame? We not gonna stop the struggle until we fight feet under. Better we pray and better we call on the mighty Father. Too many guns them a spray just because we don't like each other. Officer man a go beat up a stranger because of him type of color. What do I chant now? We get rid of the bad vibes. We keep cool, but not what the police think. Say we are the bad guys. What do I chant now? We stay up to the sunrise. We are defending rights and a never end. Yeah! Because we take for the nation. Heavy loaded, not for munitions. We never for the suit, not no imitation. Consciously seek elevation. Can't you see the youths fall in a bad man business? Violence, man, a witness. What kind of living is this? When you get the respect, can you get the justice? We'll tell them this. See them reloading, shoot the target. Hey, hey. And put with swords from the market. Hey, hey.